Esther chapitre 7. Le roi donc, et Aman, vinrent au festin avec la reine Esther. Et le roi dit à Esther, encore ce second jour, au vin de la collation, quelle est ta demande, reine Esther, et elle te sera octroyée. Et quelle est ta prière? Fût-ce jusqu'à la moitié du royaume, cela sera fait. Alors la reine Esther répondit, et dit, si j'ai trouvé grâce devant toi, ô roi, et si le roi le trouve bon, que ma vie me soit donnée à ma demande, et que mon peuple me soit donné à ma prière. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués et détruits. Que si nous avions été vendus pour être serviteurs et servantes, je me fusse tu, bien que l'oppresseur ne récompenserait point, le dommage que le roi en recevrait. Et le roi Assuérus parla, et dit à la reine Esther, qui est et où est cet homme qui a été si téméraire que de faire cela? Et Esther répondit, l'oppresseur est l'ennemi et ce méchant Aman ici. Alors Aman fut troublé de la présence du roi et de la reine. Et le roi en colère se leva du vin de la collation, et il entra dans le jardin du palais, mais Aman resta, afin de prier pour sa vie la reine Esther, car il voyait bien que le roi était résolu de le perdre. Puis le roi retourna du jardin du palais au lieu où l'on avait présenté le vin de la collation. Or Aman s'était jeté sur le lit où était Esther, et le roi dit, forcerait-il bien encore sous mes yeux la reine en cette maison? Dès que la parole fut sortie de la bouche du roi, aussitôt on couvrit le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en la présence du roi, voilà même le gibet qu'Aman a fait faire pour Mardoché, qui donna ce bon avis pour le roi, et tout dressé dans la maison d'Aman, haut de 50 coudées. Et le roi dit, pendez-le. Et ils pendirent Aman au gibet, qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi fut apaisée.